après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Le monde de la natation en nage en eau libre est en deuil depuis vendredi puisque la légende Jacques Amiot est décédé à l'âge de 93 ans. Jacques Amiot qui a été le premier à traverser le lac Saint-Jean le 19 juillet 1955. En ligne, un gars qui l'a bien connu, c'est l'ancien journaliste du quotidien Pierre Bourdon. Bon après-midi, M. Bourdon. Oui, bonjour, Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien. M. Bourdon, j'ai lu un petit peu sur Jacques Amiot aujourd'hui. Si on se rappelle bien, c'était un gars qui... C'était le premier qui a traversé en 1955, la traversée Trans-Saint-Jacques-Saint-Jean. Lors de la première traversée, il y avait 7 gars. Oui, exactement. Et c'est le seul qui a terminé. Mais lui, évidemment, c'est pas mal grâce à Martin Bédard, qu'on appelle le père de la traversée, un type de Roberval, mais qu'il a rencontré à Québec. Et puis, ils ont mijoté ce projet-là. Et puis... finalement, Jacques Amiot s'est lancé. D'ailleurs, Jacques Amiot, c'est un athlète très polyvalent. Hein? Ouais. Il faisait du vélo, il faisait du ski de fond. C'était tout un athlète. Et puis même dans les dernières années, il a participé à des compétitions de nage qu'on appelle pour maîtres, les maîtres nageurs. Et puis même détenu des records mondiaux là, dans ces catégories d'âge. Fait que jusqu'à la fin, il a été très actif et très en forme. Moi, j'ai eu la chance de le connaître en 1963. OK. C'est que ça veut dire que ça fait 55 ans, Denis, que je le connaissais. Okay. Et puis, en 63, c'est l'année où j'ai traversé le lac Saint-Jean. Je me trouvais au Saguenay pour la descente du Saguenay à la nage en 1963. Et puis, la veille de faire la descente du Saguenay, j'étais descendu à Saint-Félicien, où avait lieu à l'époque une épreuve de qualification pour la traversée dans la rivière à Chouap-Mouchouane. Et puis Jacques Amiot, ben agissait comme juge de cette épreuve-là. Alors, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. C'était une semaine avant que je traverse le lac. C'est que... Et puis par après, ben je l'ai rencontré, évidemment, à chaque traversée. Il était omniprésent. Et puis c'était un gars que j'aimais beaucoup son attitude. T'sais, c'était pas le gars, là, comme on dit, qui jouait à vedette, hein? Non, c'était un gars assez renfermé. Mais très gentil avec tout le monde, puis très chaleureux, tu sais. Moi, personnellement, je l'ai toujours très, très apprécié. Est-ce que vous avez parlé de la première traversée en 55? Comment c'était? Est-ce que vous en avez parlé? Oui, bien, disons que c'est un type qui avait déjà une expérience dans la nage longue distance, exemple, il nageait autour de l'île d'Orléans, des gens. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, c'est sûr que c'était très avant-gardiste parce que les entraînements en partant n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, c'est sûr. Dans le temps, on travaillait sur le temps, c'est-à-dire qu'on nageait des heures et des heures dans la piscine. Puis quand on faisait ça, ben on disait qu'on va faire de la nage longue distance. Parce qu'aujourd'hui, les entraînements ont beaucoup changé. Et puis c'est pour ça que les temps dans les premières années, si vous remarquez, Danny, évidemment, sont moins rapides. Ouais. C'est sûr que c'est à cause de l'entraînement. L'entraînement a beaucoup changé. Et par ailleurs également, ben les kilomètres. Avant c'était 32. Et avant c'était 26. Là c'est 32. Ah ben écoute. Quand j'ai nagé, moi, en 1963, sur les formules d'inscription, c'était marqué 26 000 même. C'était pas marqué 26 kilomètres. Donc, ça donne à peu près 32-33. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, évidemment, ils sont très bons, les nageurs, mais tu sais, ils sont beaucoup... premièrement, il y a des moteurs après chaloupe. Nous autres, à notre époque, c'était à la rame. Et également... T'as les GPS, hein? Oui, c'est sûr. Avec un GPS, là, Danny, là, tu nages pas pour rien, hein? Tu sais, t'es sûr de la ligne droite, là. Ils partent, puis c'est la ligne droite avec le quai fédéral de Roberval. C'est que ça aussi, c'est une amélioration, mais ça aussi, ça aide beaucoup à améliorer les temps. Mais Jacques Amiot, lui, là, C'est un gars, c'est un bon vivant, tu sais. Mm-hmm. Et puis, quand il faisait la traversée, ben exemple, il avait déjà dit, dis-moi, il dit, j'ai pas lâché, parce que si j'avais lâché, il restait plus de place dans la chaloupe pour que je monte, tu sais. Je dis, okay. C'était des affaires de même, tu sais. Ouais. Et c'est un gars qui avait un bon sens de l'humour, puis quand il est arrivé, ben là, ça il prenait son bol de crème glacée. Et puis, non, c'était un bon vivant, un gars très gentil. Et puis, il a également, évidemment, figuré à traverser de la Manche. Hein? Ah oui, c'est ça que je voulais vous en parler. C'était ma question. La traversée de la Manche, c'est entre l'Angleterre et la France. Ouais, il l'a fait, lui, dans les deux sens. Oui. Ouais. Et puis, je me rappelle plus des années exactes, là, mais c'est celui... On parle celui... de 56 et de 75. Bon, ben c'est ça. C'est celui qui a fait les deux sens et puis dans des années est le plus éloigné, tu comprends? Mm. C'est-à-dire que la première année, il a fait ça, il avait tel âge, puis l'année d'après, il avait X nombre d'années plus vieux, mais ça s'est jamais fait. Ça, il est tout seul à avoir fait ça. Et également, une affaire aussi qu'il faut se rappeler, Danny, c'est qu'en 1974, il est revenu faire la traversée du lac Saint-Jean. Mm. 20 ans, 19 ans après sa première traversée. Cette année-là, je m'en rappelle, j'avais la chance d'être directeur général de la traversée à l'époque, et puis en 74-75, et puis il était venu. Ça, c'est à l'époque, dans les premières années où le fameux John Kinsella est venu, puis qui a remporté, je pense, 7 ou 8 traversées d'affilée, tu sais. Ça a été les bonnes années, puis Jacques était venu dans le cadre de cette traversée-là, faire la traversée 20 ans après sa première. Mmh. Je pense qu'il avait 50 ans à l'époque. C'est que ça aussi, c'est un exploit tout de même. Ça. Est-ce que dans le... C'est sûr que les époques sont différentes. J'aime toujours comparer les époques, évidemment, puis on peut pas vraiment, là, mais est-ce que dans le aujourd'hui, est-ce que Jacques Amyot serait aussi bon que les Xavier Desharnais, serait aussi bon que Alex Guertin, genre, ou encore même... Selon moi, ouais. Selon moi, il serait sûrement aussi bon parce qu'il y avait les capacités physiques, ça, okay. c'est évident. Mais il s'entraînerait autrement, tu sais. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, les nageurs de longue distance s'entraînent beaucoup plus sur la vitesse. Et puis également, n'oublie pas qu'il y a la question alimentation aussi, okay. Tu sais. L'alimentation pendant la traversée, écoute, dans le temps, nous autres, là, on pouvait aussi bien manger des biscuits ou des choses du genre, dans ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré, tu sais. Et ça, dans les dernières années, ça s'est beaucoup, beaucoup fait, tu sais, les nageurs ont avec eux des spécialistes qui les aident au niveau de l'alimentation, au niveau physique, au niveau à tous les niveaux et même au niveau psychologique. Mm, mm, mm, mm. C'est sûr que c'est pas comparé du tout. Ouais, c'est ça. C'est surtout au niveau des athlètes d'élite, tu sais, comme Desharnais que je trouve assez extraordinaire. Tu sais, c'est un gars très que je trouve très sympathique puis très gentil, tu sais, mais c'est des machines. Ouais. C'est extraordinaire de les voir aller. T'sais. Vous parlez d'amélioration à travers les époques. Je regarde en 1900, je regardais en 1956, il a fait la traversée de Nantes, la première, et 20 ans après, 19 ans après, c'est en 1975, il a amélioré son temps à 56 ans. Donc, à 50 ans, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut qualifier ça d'amélioration? C'est sûr qu'on explique qu'en 1975 à Nantes, il n'y avait pas de vent, tandis qu'en 56, il y en avait. Mais est-ce que les nouvelles techniques, il s'est passé quand même 19 ans, est-ce qu'on peut qualifier ça? Ouais, mais possiblement, quoi qu'à cette époque-là, c'était pas encore rendu, là, okay. Où les entraînements étaient vraiment spécialisés, tu sais. Moi, je trouve que le niveau de la température joue beaucoup, tu sais. C'est pour ça que même à la traversée, hein, tu peux pas beaucoup, beaucoup comparer une année à l'autre, parce qu'il y a jamais deux années pareilles, tu sais. Mm. Et également, avec le fameux règlement de la fédération, là, de la FINA, là, avec un port, là, d'un wetsuit, ouais. T'es comme moi, personnellement, je suis tout à fait contre ça, tu sais. Mm. Je me dis que la nage longue distance, c'est un sport que les gens pratiquent et ça fait partie de ce sport-là d'être en compétition avec les aléas de la nature, tu sais. Quand il vente, quand il fait froid, quand Ça, c'est toutes des choses qu'il faut qu'un athlète affronte, tu sais. Mm. Avec un sou, veut, veut pas. Ça améliore les performances, tu sais. Mm. Et ceux qui sont un peu frileux, ben là, tandis qu'à l'époque, il y en a qui quittaient la traversée parce que malheureusement, ils étaient pas capables de prendre l'eau froide. Mais ça, ça fait partie justement du sport, tu sais. Si tu commences à enlever ces affaires-là, est-ce que tout à l'heure, ils vont les faire nager avec des pannes, tu sais? Oh ouais. Ouais. C'est ça, d'un moment donné, en un mot, selon moi, c'est un aide artificielle. T'sais? Puis je suis sûr que Jacques Amiot n'était pas pour ça non plus. OK. Dites-moi, M. Baudon, quel héritage va laisser Jacques Amiot à la traversée et à la nage en eau libre au Québec? C'est un héritage d'un homme qui a tout fait pour son sport et qui a également... Il n'était pas avare de conseils. Tu sais, si des jeunes allaient le voir et qu'ils demandaient des conseils, il se faisait toujours un plaisir d'aider puis d'avoir des bons mots pour les athlètes. Et ça, c'est un beau des témoignages qu'il donnait puis qui vont rester dans chez les gens. Tu sais. C'est la bonté de ce gars-là et également sa gentillesse. C'est un gars que, franchement, il se prenait pas pour un autre. Non, c'est sûr. Il était très, très facile d'accès, puis c'est ce que je retiens le plus de ça. Puis la traversée, mais écoute, avec le nombre d'années auxquelles il a assisté à la traversée, je sais pas, là, il a dû assister. S'il en a manqué une ou deux, c'est beau. Je pense qu'on dit que c'est la dernière qui a manqué, c'est la dernière, si je m'abuse, parce qu'il avait des problèmes de santé. À part ça, il était toujours là. T'as parfaitement raison. C'est la dernière. Fait que c'est la seule qui a manqué, tu sais. Ouais. Que, veux pas, c'est un visage, là, à la traversée que tous les gens le connaissent et le reconnaissent, tu sais. Puis je suis sûr que la traversée va y rendre un bel hommage. C'est déjà confirmé, d'ailleurs. C'est déjà confirmé. Ouais. Ben, Pierre Bourdon, très intéressant. Au plaisir de se reparler. Mais ça m'a fait plaisir et puis, écoute, continue ton beau travail. L'ancien journaliste du quotidien, Pierre Bourdon.